cette focalisation, elle est pas, c'est pas un choix arbitraire. On s'est en fait réparti plus ou moins ces groupes dont Isabelle vous a parlé. Et moi, j'ai travaillé sur le, en particulier sur les docteurs. Donc voilà, il nous semblait plus logique, évidemment, que les personnes ayant travaillé sur telle et telle sous-population fassent état de leurs travaux. Alors, ce groupe, en fait, il est fondé sur une variable simple, sur la variable de diplôme. On a regroupé toutes les personnes qui disaient avoir un doctorat, tout simplement. Ce qui représente donc 1535 personnes sur les 4409 qui ont répondu à l'enquête. Comme pour l'ensemble de la population étudiée, cette sous-population est constituée d'une majorité de femmes, à peu près 55%, mais on pourrait y revenir, elles sont très nettement minoritaires dans le champ disciplinaire des sciences de la matière. Ce qui signifie qu'elles sont encore plus majoritaires en sciences de la vie et encore plus en sciences humaines et sociales. C'est également un groupe c'est un groupe hétérogène en termes d'âge, puisque un quart a moins de 30 ans, tandis qu'un quart a plus de 35 ans. Là aussi, il y a des disparités assez fortes par champ disciplinaire. On y reviendra tout à l'heure. Les répondants se répartissent de manière assez équilibrée dans les champs disciplinaires. Je vous dis équilibrée parce que on craignait, compte tenu de la genèse du questionnaire, que ce soit principalement des personnes en sciences humaines et sociales qui répondent au questionnaire. En fait, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est-à-dire que la part des personnes en SHS, pas seulement des docteurs, hein, de l'ensemble de la population, était considérable dans un premier temps. Et puis, le questionnaire semble s'être diffusé dans les autres champs disciplinaires. Pour les docteurs, on en a donc une majorité, enfin, on en a 40% en sciences de la vie, un tiers en SHS et un petit quart en sciences de la matière. Alors, qu'est-ce qu'on observe si on entre dans le détail des trajectoires? On observe que, contrairement à cette figure qu'évoquait Isabelle tout à l'heure, qui ferait du post-doc, entre guillemets, une situation temporaire qui suivrait immédiatement la thèse, on observe qu'en fait, les docteurs précaires le sont souvent depuis relativement longtemps, donc depuis plus de 5 ans dans un quart des cas, et depuis plus de 3 ans pour les deux tiers des répondants à l'enquête. Donc finalement, cette espèce d'image du post-doc comme situation transitoire post-thèse et de courte durée n'apparaît pas, ou apparaît en tout cas très minoritaire dans l'enquête. Autre caractéristique de ce groupe des docteurs, pour rendre compte de leur situation et de l'hétérogénéité de ce groupe, alors on peut s'appuyer sur plusieurs types d'indicateurs. Tout d'abord, ce qui est relatif à la situation dans l'emploi, c'est-à-dire tout ce qui concerne les contrats, on observe que à peu près 20% des docteurs précaires n'ont pas de contrat, donc pas de financement officiel. De la même manière, plus de 60% des docteurs qui ont un contrat et se disent précaires ont un contrat de très courte durée, un an maximum. Donc là aussi, l'idée selon laquelle le post-doc, quand il existe, est une situation contractuelle assez confortable et certes courte, mais une situation stable d'une certaine durée avant un poste ultérieur, semble être plutôt battue en brèche par l'enquête. On observe également que le cumul des contrats est particulièrement fréquent concernant cette population, puisque près d'un sur deux, parmi ces docteurs précaires, a eu au moins 4 contrats au cours des 5 dernières années. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure pour l'ensemble de la population étudiée, les docteurs connaissent des interruptions de contrats et d'activités, et pas loin de la moitié, enfin 41% en l'occurrence, ont déjà connu une interruption d'activité d'au moins 6 mois. Donc vous voyez bien que par rapport à cette figure un peu simpliste, bon, qui n'est probablement pas la figure dominante qu'on a à l'esprit en SHS, mais peut-être dans d'autres champs disciplinaires, du post-doc comme jeune en situation transitoire et comme étant dans une étape nécessaire et finalement relativement confortable de la carrière. Contrairement à cette figure, l'enquête montre que beaucoup de docteurs précaires vivent une situation relativement différente. Alors, un deuxième type d'indicateur qu'on a mobilisé pour saisir les visages de la précarité, ce sont les indicateurs qui sont liés aux revenus. Alors, c'était un petit peu complexe, puisque selon les situations, on demande finalement des évaluations moyennes aux enquêtés. La question qu'on a utilisée le plus fréquemment, c'était finalement celle qui consistait à demander aux enquêtés à combien ils évaluaient leur revenu mensuel pour l'année 2009. Donc ici, vous avez les résultats pour l'ensemble des docteurs précaires, et vous voyez que c'est une minorité qui indique en moyenne un revenu supérieur à 1 800 euros. Alors on a borné les revenus à 1 800 euros parce que, en fait, ça correspond, enfin, c'est légèrement supérieur à ce que gagne un maître de conférence ou un chargé de recherche lorsqu'il entre dans le métier avant la prise en compte de son ancienneté. Autant dire qu'en général, au bout de quelques mois, dès que son ancienneté est rattrapée, un maître de conf ou un chargé de recherche gagne nettement plus que 1 800. Donc finalement, on voit bien ici que de la même manière que la situation sur le plan des contrats est particulièrement précaire pour une bonne partie de docteurs, c'est la même chose en ce qui concerne les revenus. Entrons dans le détail de ces revenus. On constate que les rémunérations stagnent pour une grosse majorité de ces docteurs précaires, puisque seulement un quart fait mention d'une augmentation depuis son entrée dans l'enseignement supérieur à la recherche publique. De même, parmi ceux et celles qui sont dans l'enseignement supérieur et la recherche depuis plus de 5 ans, c'est un peu plus de 10% qui gagnent plus de 2 400 euros net. Les contrats qui prévoient des augmentations de salaire sont très, très rares. Donc, cette précarité et le fait de vivre sur des contrats de courte durée n'est aucunement, contrairement à un discours qu'on peut entendre parfois, compensé par des salaires qui seraient plus élevés. Alors ensuite, on peut s'intéresser aux disparités qui existent par champ disciplinaire. Alors je l'ai fait uniquement pour quelques variables, notamment celles dont je viens de vous parler, à savoir le revenu mensuel net déclaré pour l'année 2009. Bon, là, vous voyez, les colonnes parlent d'elles-mêmes, puisque les disparités sont très grandes entre les SHS et les deux autres grands champs disciplinaires que nous avons distingués. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'entrer dans le détail, on pourra en reparler tout à l'heure dans le cadre de la discussion. On a aussi regardé des aspects qui, un petit peu différents, qui avaient trait aux conditions de travail. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, là aussi, dans ce domaine, les disparités sont extrêmement fortes entre champs disciplinaires. Alors, je ne sais pas si vous voyez les intitulés de colonnes. En l'occurrence, qu'il s'agisse du fait d'avoir un espace de travail d'un ordinateur dans un laboratoire, les différences sont très grandes, et c'est le cas d'une minorité des docteurs en sciences humaines et sociales, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres champs disciplinaires. De la même manière, pour quelque chose qui peut sembler un peu plus anecdotique, l'accès à un lieu de restauration est également relativement limité pour les docteurs de SHS. Souvent, d'ailleurs, on observe, quand on entre dans le détail de cette question, mais c'est valable aussi pour d'autres questions, que beaucoup disent ne pas savoir finalement ce qu'il en est pour eux, en particulier en SHS, ce qui nous semble assez révélateur finalement, probablement d'un manque de communication entre les institutions qui accueillent ces docteurs précaires, qui les emploient, peut-être qu'accueil n'est pas toujours le bon terme, et finalement ces docteurs eux-mêmes. Enfin, quatrième indicateur que j'ai retenu ici, l'accès aux formations. Là aussi, hein, même chose, vous voyez très nettement qu'il est plus faible, il est relativement plus faible pour les docteurs en sciences humaines et sociales. Ce n'est pas du tout anecdotique, cet aspect concernant les formations, dans la mesure où les comités de recrutement, les commissions de spécialistes regarde évidemment dans quelle mesure, après la thèse, les docteurs continuent de se former à des méthodes, à des nouveaux logiciels, par exemple. Et là, on voit très bien que, finalement, pour les docteurs en SHS, on peut se demander si certains n'entrent pas dans une espèce de cercle vicieux, puisqu'ils n'ont pas accès à des formations. Donc, ils vont se retrouver dans une situation plus difficile pour entreprendre des travaux nouveaux, en tout cas avec des démarches et des méthodes nouvelles qui requièrent des formations ad hoc. Et en définitive, ils vont se retrouver pénalisés dès lors qu'il y aura des concours ou des situations d'évaluation. Voilà. On pourra revenir sur ces disparités entre champs disciplinaires parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres.